4. Les rites. On peut s'étonner aujourd'hui de la nouveauté rétrospective de ces idées, mais il fallait certainement qu'un tel livre parût pendant le cours de l'ancienne Révolution. Du reste, on doit peut-être savoir gré à Quintus Auclair d'avoir, dans une époque où le matérialisme dominait les idées, ramené les esprits aux sentiments religieux, et aussi à ces pratiques spéciales du culte qu'il croyait nécessaires à combattre les mauvais instincts ou à assouplir l'ignorante grossièreté de certaines natures. Les jeûnes, les vigiles, l'abstinence de certains aliments, les mœurs de la famille et les actes générateurs soumis à des prescriptions, pour lesquelles le paganisme n'a pas été moins prévoyant que la Bible, ce n'était certes pas de quoi plaire aux sceptiques et aux athées de l'époque, et il y avait quelque courage à proposer la restauration de ces pratiques. Quant au choix même de la religion païenne, il était donné par la situation. Les fêtes civiques, les cérémonies privées, le culte des déesses, allégorique il est vrai, comme dans les derniers temps de Rome, ne se refusait nullement à l'assimilation d'un dogme mystique, qui n'était après tout qu'une renaissance de la doctrine épurée des néo-platoniciens. Il s'agissait simplement de ressouder le XVIIIe siècle au Ve, et de rappeler aux bons parisiens le fanatisme de leur père, pour cet empereur Julien, qu'ils accompagnèrent jusqu'au centre de l'Asie. « Tu m'as vaincu, Nazaréen !» s'était écrié Julien frappé de la flèche du Parthe. Et Paris aurait proclamé de nouveau dans le palais restauré de Julien, et dans le panthéon qui l'avoisine, le retour cyclique des destinées qui rendaient la victoire au divin empereur. Les vers sibyllins avaient prédit mille fois ces évolutions rénovatrices, depuis le Redente, Saturnia Regna, jusqu'au dernier oracle de Delphes, qui, constatant le règne millénaire de Iacus Iesus, annonçait au siècle postérieur le retour vainqueur d'Apollon. La réforme toute romaine du calendrier, de la numération, des idées politiques, des costumes, tout cela voulait-il dire autre chose? Et l'aspiration nouvelle aux dieux, après les 1000 ans d'interruption de leur culte, n'avait-elle pas commencé à se montrer au XVe siècle, avant même que, sous le nom de Renaissance, l'art, la science et la philosophie, se fussent renouvelés au souffle inspirateur des exilés de Byzance? Le palladium mystique, qui avait jusque-là protégé la ville de Constantin, allait se rompre, et déjà la semence nouvelle faisait sortir de terre les génies emprisonnés du vieux monde. Les Médicis, accueillant les philosophes accusés de platonisme par l'Inquisition de Rome, ne firent-ils pas de Florence une nouvelle Alexandrie? Le mouvement s'étendait déjà à l'Europe, semait en Allemagne les germes du panthéisme à travers les transitions de la Réforme. L'Angleterre, à son tour, se détachait du pape. Et dans la France, où l'hérésie triomphe moins que l'indifférence et l'impiété, voilà toute une école de savants, d'artistes et de poètes qui, aux yeux comme à l'esprit, ravivent sous toutes les formes la splendeur des Olympiens. C'est par un caprice joyeux, peut-être, que les poètes de la Pléiade sacrifient un bouc à Bacchus. Mais ne vont-ils pas transmettre leur âme et leurs pensées intimes aux épicuriens du grand siècle, aux spinozistes et aux gassendistes, qui auront aussi leurs poètes, jusqu'à ce qu'on voit apparaître, au-dessus de ces couches fécondées par l'esprit ancien, l'encyclopédie tout armée, achevant en moins d'un siècle la démolition du Moyen-Âge politique et religieux. Et même, dans l'éducation, comme dans les livres offerts à ces générations nouvelles, la mythologie ne tenait-elle pas plus de place que l'Évangile? Quintus Auclair ne fait donc, dans sa pensée, que compléter et régulariser un mouvement irrésistible. Voilà seulement comment on peut s'expliquer une pensée qui semble aujourd'hui touchée à la folie, et qu'on ne peut saisir tout entière que dans les minutieuses déductions d'un livre qui impose le respect par l'honnêteté des intentions et par la sincérité des croyances. C'est comme un dernier traité des apologies platoniciennes de Porphyre ou de Plotin, égaré à travers les siècles, et qui, à l'époque où il a reparu, ne put rencontrer un dernier père de l'Église pour lui répondre, du saint des ruines abandonnées de l'édifice chrétien. Il ne faut pas croire, du reste, que la doctrine de Quintus Auclair fut la manifestation isolée d'un esprit exalté qui cherchait sa foi à travers les ténèbres. Ceux qu'on appelait alors les théosophes n'étaient pas éloignés d'une semblable formule. Les martinistes, les philalètes, les illuminés et beaucoup d'affiliés aux sociétés maçonniques professaient une philosophie analogue, dont les définitions et les pratiques ne variaient que par les noms. On peut donc considérer le néopaganisme d'Auclair comme une des expressions de l'idée panthéiste, qui se développait d'une part grâce au progrès des sciences naturelles. Les vieux croyants de l'alchimie, de l'astrologie et des autres sciences occultes du Moyen-Âge avaient laissé dans les sociétés d'alors de nombreux adeptes raffermis dans leurs croyances, par les étonnantes nouveautés que Mesmer, Lavater, Saint-Germain, Cagliostro venaient d'annoncer au monde, avec plus ou moins de sincérité. Paracelse, Cardan, Bacon, Agrippa, ces vieux maîtres des sciences cabalistiques et spagyriques étaient encore étudiés avec ferveur. Si l'on avait cru aux influences des planètes, signalées encore par les noms et par les attributs des dieux antiques, même pendant le règne du christianisme, il était naturel qu'à défaut de religion positive, on retournât à leur culte. Aussi Auclair consacre-t-il bien des pages à la description du pouvoir matériel des astres. Il ne craint pas moins le furieux Mars que le froid Saturne. Mercure l'inquiète parfois. Vénus n'a pas une très bonne influence sur le globe, depuis que ses autels sont négligés. Quant à Jupiter, il est trop grand pour se souvenir des outrages. Il suffit de lui consacrer les plantes et les pierres qui lui appartiennent. Le chêne et le peuplier, le lys et la jusquiame, l'hyacinthe et le béryl. Saturne aime le plomb et l'aimant, et parmi les herbes, l'asphodèle. Vénus a la violette, la verveine et le polytricon. Son métal est le cuivre. Ses animaux sont le lièvre, le pigeon et le passereau. Quant à Apollon, il a toujours eu, comme on sait, une influence particulière sur le coq, sur l'héliotrope et sur l'or. Tout se suit. Il n'y a rien dans les trois règnes de la nature qui échappe à l'influence des dieux. Les libations, les consécrations et les sacrifices se composent donc d'éléments analogues à l'influence de chaque divinité. Les divinités placées dans les astres n'agissent pas seulement sur les diverses séries de la création, mais elles président aux destinées par les conjonctions de leurs astres, qui influent sur le sort des hommes et des peuples. Il serait trop long de suivre l'auteur dans l'explication des triplicités et des cycles millénaires qui minent les grandes révolutions d'empire. Toute cette doctrine platonicienne est connue, d'ailleurs, depuis longtemps. Plusieurs philosophes de cette époque suivirent Quintus Auclair dans cette rénovation des idées de l'école d'Alexandrie. C'est vers la même époque que Dupont de Nemours publia sa philosophie de l'univers, fondée sur les mêmes éléments d'adoration envers les intelligences planétaires. Il établit de la même manière entre l'homme et Dieu une chaîne d'esprits immortels, qu'il appelle optimates, et avec lesquels tout illuminé peut avoir des communications. C'est toujours la doctrine des dieux ammonéens, des éons ou des Elohim de l'Antiquité. L'homme, les bêtes et les plantes ont une monade immortelle, animant tour à tour des corps plus ou moins perfectionnés, d'après une échelle ascendante et descendante, qui matérialise ou déifie les êtres selon leur mérite. Haller, Bonnet, Leibniz, Lavater avaient précédé l'auteur dans ses vagues suppositions. Elles semblaient du reste si naturelles alors que Dupont de Nemours, président du Conseil des Anciens, en entretenait parfois l'Assemblée, ou en faisait l'objet des séances de l'Institut. Le livre de Sénancour, qui depuis se réfugia dans le scepticisme de Lucrèce, contenait un système tout pareil, qu'il fit disparaître avec soin des éditions suivantes. Nous n'avons plus à citer que Devisme parmi ceux qui méritent quelque attention. Ses idées se rapprochent beaucoup plus du christianisme et reproduisent presque entièrement la doctrine de Swedenborg, qui a conservé en France des adeptes fidèles. Ces derniers forment une petite église, à la tête de laquelle on a vu quelque temps Casimir Brousset. L'école particulière de Quintus Auclair survivait encore en l'an 1821, et si l'on s'en rapporte à un ouvrage intitulé « Doctrine céleste » d'un nommé Lenin, qui paraît avoir obscurément continué le culte des dieux dans la ville d'Amiens. Quant à l'Hiérophante lui-même, il n'a publié que ce seul livre intitulé « La Tréitie », titre qu'il avait emprunté au surnom donné par Virgile à Orphée, Tréitius Vates. C'est en effet la doctrine des mystères de Thrace que Quintus Auclair propose aux initiés. Ce théosophe était né à Argenton, Indre, il est mort à Bourges, en 1814. Repentant de ses erreurs, si l'on en croit les vers très faibles d'une brochure intitulée « L'ascendant de la religion » ou « Récit des crimes et fureurs d'un grand coupable » qu'il publia en 1813. Ainsi se termina la vie du dernier païen. Il abjura ses dieux, qui sans doute ne lui avaient pas apporté au lit de mort les consolations attendues. Le Nazaréen triompha encore de ses ennemis ressuscités après 13 siècles. La Tréitie n'en est pas moins un appendice curieux, omis au pogon de l'empereur Julien. Fin.